Grosse nouvelle hier chez au Saguenay, suite à la sortie de Gilles Courteau dans le Journal de Québec, édition Saint-Lac-Saint-Jean. Gilles Courteau qui réclame une nouvelle amphithéâtre pour remplacer le Centre Georges Vézina. Et on va en parler avec. Il en a parlé pas mal hier dans son émission à Midi-Pile, Simon Tremblay, l'animateur à Radio X Saguenay. Salut Simon! Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Simon, écoute, c'est un dossier coudonc qui était que Marc Saint-Hilaire l'année passée avait sorti, avait amené l'idée. Phil en avait parlé également, puis ça avait comme tombé lettre morte. Je sais que t'as des 12 travaux de Midi-Pile, sauf que c'était plus ou moins un enjeu dans la campagne électorale, mais là, c'est relancé de plus belle, là, puis en tout cas, hier, j'ai eu Richard Letourneau en entrevue hier, puis il me l'a dit, on est dû pour une bonne conversation, là. Ben, nous autres, ben franchement, au Saguenay, on pensait que c'était un dossier qui était pratiquement réglé, parce que l'ancienne administration, l'administration de Jean Tremblay, avait déposé un plan de rénovation quand même assez ambitieux. Sans voir les détails, on pensait à un plan de 20-25 millions pour des rénovations. On croyait que ça cheminait au gouvernement du Québec, dans les hautes sphères, les fonctionnaires et tout ça, pour essayer de trouver le programme pour financer ça avec le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral aussi. Et en campagne électorale, tous les candidats à la mairie avaient le même point, c'est-à-dire, regardez, c'est déposé par l'ancienne administration, on laisse ça le scénario de rénovation, et une fois élu, ben on verra avec les acteurs du milieu s'il y a quelques petites modifications à faire pour que ce soit le plus fonctionnel possible. Donc, Gilles Courteau qui arrive là, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il a perçu que ça branlait dans le manche, que c'était pas si loin que ça dans les hautes sphères gouvernementales, le projet de rénovation du Centre Georges Vézina, qui avait encore la chance de pouvoir faire changer d'idée l'administration actuelle de José Miron. Et c'est réellement ce qui se passe. J'ai l'impression, à entendre Philippe Couillard la semaine passée sur nos ondes, à entendre la réponse tant de José Néron, qu'il n'y a rien de ficelé, que la ville doit déposer encore un nouveau projet. Fait qu'on recommence pratiquement à zéro. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, en tout plus moi, on est aussi bien peut-être d'évaluer la possibilité d'une nouvelle construction. Après ça, de faire le comparatif, comme on a vécu il y a plusieurs années pour la rénovation de la salle de spectacle, l'auditorium du four, ou la construction d'une nouvelle salle. Il y en a plusieurs qui ont été déçus de la décision de rénover au lieu de construire. Mais au moins, on a eu le débat avec un semblant d'étude de marché qui permettait de comparer deux scénarios. Simon, hier, j'ai posé la question à Richard Letourneau, parce que moi, je me rappellerai toujours que quand, écoute, je ne sais pas si tu t'en rappelles, quand Claude Brochu, quand Bud Selig était le commissaire de la Ligue du baseball, avait venu voir Lucien Bouchard, puis il avait dit ça prend un nouveau stade pour les expos, blablabla, puis on savait quasiment que c'était une commande de Claude Brochu. J'ai posé la question à Richard Letourneau hier, est-ce que c'était stagé cette affaire-là? Est-ce que c'est les Saguenayens qui ont peut-être dit par en arrière, fais donc une sortie, puis ainsi de suite, puis Richard Letourneau a dit non. Sauf que toi, tu penses-tu que ça pourrait être une affaire de même? Moi, en tout cas, une des premières choses à laquelle j'ai pensé, tu sais que Phil Desgagnés, Gilles Courteau, ça se parle souvent. Phil était un ancien gouverneur des Saguenayens qui a fait en campagne électorale une sortie dans le quotidien à ce sujet-là. Je pense que c'est peut-être plus de ce canal-là qu'on doit regarder que du canal d'administration actuelle des SAC qui n'a jamais vraiment publiquement voulu se mettre à parler de ça, tandis que tu sais, il aurait pu le faire, les Saguenayens, de réclamer une glace régulière et non pas une glace olympique, réclamer une nouvelle construction. Ils l'ont jamais fait, ils n'ont jamais voulu se mêler de ça, parce qu'il faut se rappeler quand même que les Saguenayens-Chicoutimi, ça appartient à la ville de Saguenay. Oui, effectivement, effectivement. Là, comment ça va être quoi la suite des choses? Est-ce que tu penses que... Parce que là, il y a une élection qui s'en vient, là, puis tu sais très bien qu'on est dans la fenêtre actuellement, là, parce que là, le gouvernement va dépenser des millions, puis ça va être des nananes à gauche et à droite. Penses-tu qu'il est urgent de se préparer là-dessus? Parce que j'ai l'impression qu'après l'an prochain, la fenêtre va être fermée pour une nouvelle construction? Ben, d'autant plus que le gouvernement provincial, oui, va essayer de séduire bien des comtés. Philippe Couillard est ministre responsable de la région, et on aura à Chicoutimi-le-Fjord une nouvelle élection fédérale aussi. Est-ce qu'il y a possibilité de regarder de ce côté-là pour un projet tripartite avec les trois paliers de gouvernement? Peut-être qu'on devra regarder vers ça, mais Philippe Couillard, mes amis du matin ici, ont interviewé Philippe Couillard, entre autres à ce sujet-là, la semaine passée, et Philippe Couillard a dit dans ma tête, moi, ça reste quand même un scénario de rénovation, parce que si on s'embarque dans une construction, ce sera plusieurs années. Puis je te pose une autre question, est-ce qu'on démolit l'actuel Centre Georges Vézina pour faire place à la nouvelle construction, ou on construit ça ailleurs? Moi, il y a des commerçants du centre-ville qui m'ont dit hier, Oui, mais on devrait peut-être évaluer la possibilité de trouver un terrain dans le bas de la ville, plus près du centre-ville, pour faire vivre le centre-ville. D'autres vont peut-être méditer pour que ce soit dans le secteur du Costco qui se développe d'une façon différente aussi. Non, mais c'est pas une petite affaire. Ça va prendre encore des années si on décide d'opter pour une nouvelle construction. Et si on laisse le Saint-Georges-Vézina debout malgré une nouvelle construction, il faudra quand même rénover le Saint-Georges-Vézina. Oui, mais Simon, est-ce que, moi, je pense que c'est une solution pauvre. La rénovation, là, c'est une solution pauvre. Parce que effectivement, dans un sens que, regarde, dans 20 ans, tout va être à refaire. Depuis 20 ans, puis les dernières bonnes rénovations qui ont été faites au Saint-Georges quand ils ont mis la glace olympique, ça doit dater de 2000-2001 environ. Donc, ouais. Je parle d'une quinzaine d'années et déjà, c'était à refaire. Il y a des travaux qui sont faits depuis ce temps-là. Là. Ça peut rester comme ça. C'est tout le temps du patchage. Ça, c'est définitif. OK. Comment Richard Letourneau et les gens qui sont les promoteurs de la nouvelle amphithéâtre, si jamais il y a une nouvelle amphithéâtre, il y a... devrait vendre ça. Est-ce qu'une salle multifonctionnelle, pas juste une salle comme, pas juste une glace pour les Saguenayens, mais une glace multifonctionnelle où ce qui pourrait attirer des spectacles, est-ce que ça pourrait être la solution pour faire passer le projet? Parce que des grands spectacles, il n'y en a pas tant que ça, puis à Chicoutimi, puis dans un deuxième temps, à quelque part, tu as 100 Vidéotron qui est à 1h45, là. Moi, Danny, je suis pas persuadé qu'il n'aurait plus. Pas persuadé qu'il y aurait plus de spectacles. On parlait, hier, Gilles Courteau parlait d'un amphithéâtre de 4000 places, ce qui vise maintenant. Et quand il y a des spectacles dits internationaux au Saint-Georges-Vézina, ça ne remplit pas à pleine capacité. Alors, comment un nouvel amphithéâtre stimulerait tant que ça la volonté d'aller voir un groupe? On a eu Styx, autrefois, qui a été un franc succès, au-dessus de 2500 billets de vendus. Ouais, c'est correct, mais le Saint-Georges-Vézina peut accueillir plus de monde que ça, surtout en configuration spectacle. Et on a eu quelquefois ces Boltland dans leurs bonnes années, puis c'était pas plein à craquer non plus. Bryan Adams, c'était la même chose. Il est venu deux fois Saint-Georges-Vézina. C'est un artiste, normalement, au nombre de hits qu'il y a qui devrait attirer, c'est bien Bryan Adams. Puis j'étais là, puis je te dirais que c'était loin d'être plein. Fait, pourquoi, du jour au lendemain, avec 4000 places, on aurait davantage de personnes qui se déplaceraient pour voir des shows? J'ai entendu Robert Hakim ici, qui est producteur de spectacle à Chicoutimi, qui disait qu'avec 4000 places, tu pouvais songer à des groupes une petite coche au-dessus. Il parlait entre autres de Green Day, mais c'est 500 000 $ à faire venir Green Day à Chicoutimi. Est-ce que il y a des producteurs qui ont les reins assez solides pour risquer ce coup-là? Est-ce que les groupes ont vraiment l'intention de se déplacer dans des petits marchés comme Chicoutimi? C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Puis quand tu parles de multifonctionnel, au-delà des spectacles, on a parlé des salons aussi, faire des salons. On a déjà des infrastructures ici à Chicoutimi qui permettent de tenir des salons de façon quand même assez correcte. On parle au pavillon sportif de l'UQAC, entre autres. Si tu as une salle multifonctionnelle, ben tu viens un petit peu... en déshabiller un pour habiller l'autre. Pas sûr que les autres vont être bien contents de perdre ces salons-là non plus. Oui, effectivement. Donc, j'ai bien hâte de voir comment que ça va virer maintenant. Est-ce que tu penses que la nouvelle administration avec José Néron, c'est pas plus sportif qu'il faut, hein? Est-ce que je me trompe? Ben, ça dépend, parce qu'il y a un membre influent municipal actuellement qui est aussi président du nouveau comité des finances, Michel Potvin, qui est agriculteur, puis il était au syndicat aussi pendant plusieurs années, qui est un ardent partisan des Saguenayens de Chicoutimi, qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit derrière le projet, mais quand il regarde financièrement ce qui s'en vient pour Saguenay, il a l'air à dire que c'est impossible. Là, les élus actuellement sont en lac à l'épaule. J'attends pour parler entre autres à José Néron, à Michel Thibault, pour essayer de tenter un petit peu de terrain avec eux autres. Au-delà de dire qu'ils sont pas sportifs, je pense qu'ils sont plus financiers, saine gestion, et que s'il n'y a pas d'aide gouvernementale supérieure, ça c'est sûr que c'est impossible. Là. Puis ça va être de voir la hauteur des aides financières qui sont potentielles. Mais moi, mon pif, Danny, c'est de dire que je pense qu'on va aller vers un scénario de rénovation du Saint-Georges-Vézina. Ça, pas mal sûr de ça. Mais ce qui pourrait changer de l'ancienne administration, c'est la dimension de la glace. Après moi, ça commence à faire consensus là, de vouloir une glace régulière, dimension Ligue nationale, quitte peut-être à prendre une autre patinoire à Saguenay puis la convertir en patinoire olympique pour le patinage de vitesse. Parce que j'ai posé la question à Richard Letourneau hier, puis il me l'a pas dit publiquement, mais il fallait lire entre les lignes. Ça agace les Saguenayens. Ils sont pas mal tannés de ça. Hey, comment tu trouves ça, Michel Thibault, responsable des sports à Saguenay? Je trouve ça un peu bizarre. Puis pourtant, Michel, j'ai un respect, je collabore avec en masse. Mais là, il est pris dans une drôle de situation, là. il faut qu'il commente le dossier en tant que journaliste sportif. Puis c'est probablement lui qui. Ah, ça va être lui qui va pas mettre en charge du dossier de ça. Je trouve ça un peu bizarre, moi. Puis je vais le dire à Michel. Ouais, mais s'il y a une place où Michel devait être dans une commission, ouais. C'est toujours bien sport, par contre, à Ville de Saguenay. Est-ce qu'à moyen terme puis à long terme, ça son double chapeau d'animateur radio de conseiller municipal, ça va être difficile à tenir? Ben je pense oui. Que oui. Mais de toute façon, au-delà de ce cas précis-là, ben franchement, je suis en train de me rendre compte que pour une ville de l'ampleur de Saguenay, ça va devenir impossible de concilier un rôle de conseiller municipal et un rôle de travailleur et d'essayer de concilier ça. Il y a de plus en plus d'anciens conseillers municipaux puis de nouveaux conseillers municipaux qui ont décidé de faire une carrière de conseiller municipal à temps plein. Puis c'est pas des millionnaires, là. C'est payé quoi, 50,000 par année pour les commissions, les comités, tout ça. Puis c'est quand même de la job. On dira ce qu'on voudra, c'est quand même de la job. Ouais. Ça va être de plus en plus difficile pour une ville comme Saguenay. Surtout, les conseillers municipaux ont l'air de plus en plus à être mis de l'avant par la nouvelle administration et non pas que ce soit décidé par le maire et 3-4 conseillers. J'ai bien l'impression qu'il va tout simplement trouver ça tough et il y aura peut-être un choix à faire. OK. Simon Tremblay, on t'écoute à tous les midis à l'émission Midi-Pile sur les ondes de Radio X Saguenay. Merci, Danny. Simon Tremblay, l'animateur de Radio X Saguenay.